Lille. On a la rage, on veut du cash, crime à la rage, on est des tâches. Snipes immédiates et R5-9-0, du calme, message pour tous nos frérots. On a la rage, on veut du cash. Pour une liasse de billets, un daron tu as tué. Pour quelques grammes de billard, c'est une famille par fumée. Pour quelques bifetons sans hésiter, t'as mis le paquet. T'es un cramé, un taré, un AK chargé, une mafia traquée. Tous des mecs du beat, une attitude, j'tire au tube. Dague de thunes, quelques dollars et de fume. Hella, gars, roi de la hegra. Pour quelques billets verts, des hommes sous les gravats. Sans cravate, brave gars, tu travailles à la cravache. Et l'odeur de l'argent transporte et tu tires à part du cash. Le rêve de tous les hommes, mais aussi toutes les femmes, voilà pourquoi Nishton. 6 midi snipes de retour pour dénoncer la folie, les défoncer. Là tu nous fais foncer la tête baissée, des vies baisées. Pour un peu de bif et la joie de s'engraiser. On a la rage, on veut du cash. Crime à la rage, on est des tâches. Snipes 6 midi ADR 5930. Tu gagnes message pour tous nos frérots. On a la rage, on veut du cash. Là tu me rends fou, c'est un trompe-œil. Point dollar, ta mille tombe sous le gravat. C'est grave, allez va, prévenir que ce monde est fou. Là tu me rends fou, l'humain, taché des cœurs. Tant des gommes à la machette, ça m'écœure. 59, 5 dollars, 9 cœurs. 6 midi snipes pour un monde sale. T'achètes des armes, tant tu as des armes. C'est crade, ça crame, des armes, armes, des armes. Ce monde, ça devient macabre. La lueur de bonheur, de malheur se dessine au nombre de thunes que t'as. Pour rien, ça tue, et j'entends dire que ce monde tue. Ma vision s'allume, moi que c'est cool. Mon amertume, c'est amer. Touche, touche, nique ta mère. Les gens perdent leur valeur, volent à toute heure. Plus aucune leçon, ça devient vite branleur. Pendant que les meufs branlent à toute heure. On a la rage, on veut du cash. Crime à la rage, on est des tâches. Snipes midi, ADR 5930, du calme, message pour tous nos frères. On a la rage, on veut du cash. Fâcheux incidents, évidents, crise strident, au cri dans les rues, vol et meurtre par des brigands intrigants. La volaille va sortir tout l'équipement, ces picoles avancent rapidement. Voilà la cause, c'est de l'argent, c'est rageant. Mais les agents y font face, ils s'ouvrent. Le fruit d'une carte de Kerban et plein d'hommes partent dans le vent. Alors avec snipes, on rappe comme des montants back, 5-9 dans le cockpit, ouvrez les yeux, bande de tasse. Sale, sale, ce monde mes cœurs, les gens perdent leur cœur. La thune divise ce monde, d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Plus de classe moyenne, ma parole c'est méprisant. Comment on avance droit dans le mur, pas dans le but comme l'OM. Tout partout, c'est la thune qui décide. Tu veux ça, tu veux ci, donne-moi la thune jusqu'au dernier centime. C'est méprisant, révoltant, réveillez-vous, il est temps. On a la rage, on veut du cash. Crime à la rage, on est des tâches. Snipes midi, ADR, ça fait trip zéro. Du calme, message pour tous nos frères. On a la rage, on veut du cash. On a la rage, on veut du cash.